Sétoc devait aller, pour les affaires de son commerce, dans l'île de Serendib. Mais le premier mois de son mariage, qui est commencé à la lune de miel, ne lui permettait ni de quitter sa femme, ni de croire qu'il pût jamais la quitter. Il pria son ami Zadig de faire pour lui le voyage. « Hélas, disait Zadig, faut-il que je mette encore un plus vaste espace entre la belle Astarté et moi ? Mais il faut servir mes bienfaiteurs. » Il dit, il pleura, et il partit. Il ne fut pas longtemps dans l'île de Serendib sans y être regardé comme un homme extraordinaire. Il devint l'arbitre de tous les différends entre les négociants, l'ami des sages, le conseil du petit nombre de gens qui prennent conseil. Le roi voulut le voir et l'entendre. Il connut bientôt tout ce que valait Zadig. Il eut confiance en sa sagesse et en fit son ami. La familiarité et l'estime du roi fit trembler Zadig. Il était nuit et jour pénétré du malheur que lui avaient attiré les bontés de Moabdar. « Je plais au roi, disait-il. Ne serais-je pas perdu ?» Cependant, il ne pouvait se dérober aux caresses de sa majesté, car il faut avouer que Nabussan, roi de Serendib, fils de Nusadab, fils de Nabassun, fils de Sasbuzna, était un des meilleurs princes de l'Asie, et que quand on lui parlait, il était difficile de ne le pas aimer. Ce bon prince était toujours loué, trompé et volé. C'était à qui pillerait ses trésors. Le receveur général de l'île de Serendib donnait toujours cet exemple, fidèlement suivi par les autres. Le roi le savait. Il avait changé le trésorier plusieurs fois, mais il n'avait pu changer la mode établie de partager les revenus du roi en deux moitiés inégales, dont la plus petite revenait toujours à sa majesté et la plus grosse aux administrateurs. Le roi Nabussan confia sa peine au sage Zadig. « Vous qui savez tant de belles choses, lui dit-il, ne sauriez-vous point le moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point ?»« Assurément, répondit Zadig, je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. » Le roi, charmé, lui demanda en l'embrassant comment il fallait s'y prendre. « Il n'y a, dit Zadig, qu'à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier, et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. Vous vous moquez, dit le roi. Voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances. Quoi ? Vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ? Je ne vous réponds pas qu'il sera le plus habile, repartit Zadig, mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. » Zadig parlait avec tant de confiance que le roi crut qu'il avait quelque secret surnaturel pour connaître les financiers. « Je n'aime pas le surnaturel, dit Zadig. Les gens et les livres m'ont toujours déplu quand ils contiennent des prodiges. Si votre majesté veut me laisser faire l'épreuve que je lui propose, elle sera bien convaincue que mon secret est la chose la plus simple et la plus aisée. » Nabussan, roi de Serendib, fut bien plus étonné d'entendre que ce secret était simple que si on le lui avait donné pour un miracle. « Or bien, dit-il, faites comme vous l'entendrez. »« Laissez-moi faire, » dit Zadig. « Vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. »